Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. France Inter. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Alice Liddell, la vraie Alice au pays des merveilles. Vous le croirez ou non, il peut arriver que d'une simple promenade en barque naisse un chef-d'œuvre. C'est ce qui est arrivé le 4 juillet 1862. Ce jour-là, au cœur d'un été tout en or, écrira le poète, un étrange équipage partait à la rame sur l'Isis, cette rivière qui traverse Oxford et la campagne anglaise. Charles Dodson, alias Lewis Carroll, un drôle de bonhomme pâle, vêtu d'une longue redingote noire, et trois petites filles pleines de vie, Lorina, Edith et Alice, celle qui inspirera à Lewis Carroll son personnage favori. Au fil de l'eau et des heures, alors que la barque s'éloigne des rives de la bienséance et du monde corseté des adultes, Charles Dodgson, laissant libre cours à sa passion, se met à inventer et raconter une histoire, les aventures d'une petite fille qui est tombée dans le terrier d'un lapin. Une histoire si belle, si jubilatoire, qu'à chaque fois que Dodgson s'arrête, Alice s'écrie « Encore, encore !» L'enchantement aurait pu s'évanouir le soir en revenant au rivage, mais la petite fille a la bonne idée de demander à son auteur d'écrire cette histoire. Ce sera Alice au pays des merveilles, un chef-d'œuvre qui fera date dans l'histoire de la littérature. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Laurent Bury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature britannique et surtout traducteur. Vous connaissez bien Alice au pays des merveilles puisque vous l'avez traduit en français. Et vous avez également traduit l'imposante biographie de Morton Cohen consacrée à Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au pays des merveilles. Vous avez donc bien dû vous amuser, non, à traduire ce livre et ça a dû être terriblement difficile aussi, non? Oui, j'avoue, c'est sans doute l'ouvrage qui était à la fois le plus difficile mais le plus jouissif à traduire. Ouais, j'imagine. Notamment à cause de tous ces jeux de mots, tous ces poèmes, tout ce jeu sur le langage qu'il s'agit de rendre en français, et ça, c'est bien entendu la chose la plus difficile qui soit. Alors de quoi parle Alice au pays des merveilles? Est-ce que c'est un livre pour enfants? Et puis pourquoi ce livre, qui est paru pour la première fois en 1865, est-il toujours considéré comme un chef-d'œuvre? Alors oui, c'est un livre pour enfants, et c'est même le premier livre pour enfants qui est entré dans l'histoire, parce que il existait déjà une littérature jeunesse auparavant. Surtout en Angleterre, effectivement, mais elle a été entièrement oubliée. C'était des ouvrages qui, aujourd'hui, plus personne ne songerait à les lire. Alors qu'au contraire, Alice au Pays des Merveilles et sa suite, De l'autre côté du miroir, ont eu une postérité durable. Alors, un succès immédiat en Angleterre, à l'étranger, il a fallu un peu plus de temps. En France, il a fallu presque un demi-siècle pour que l'œuvre s'acclimate, surtout grâce aux surréalistes. Oui, dans la France de Jules Ferry, c'était pas trop le genre. Ça a été traduit, malgré tout. L'ouvrage a été traduit dès 1869, je crois. Lewis Carroll avait lui-même choisi un traducteur pour la version française. Mais ça n'a pas été un succès du tout. Alors qu'en Angleterre, il y a eu immédiatement énormément de ventes de lecteurs et d'adaptations, notamment des spectacles. On pouvait aller voir Alice au Music Hall dans des versions chantées et dansées. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. En 1862, quand commence l'histoire que je vais raconter dans un instant, Charles Dodgson, 30 ans, ne s'appelle pas encore Lewis Carroll. Il n'a jamais écrit. Alors, il a déjà écrit, il a publié quelques poèmes humoristiques, il a publié des petits textes où il parle aussi d'une autre de ses passions qui est la photographie. Et en fait, c'est à peu près en même temps, je crois que c'est en 1856, qu'il a découvert les plaisirs de la photographie et qu'il a également, pour la première fois, utilisé ce pseudonyme de Lewis Carroll. Alors, quelle était sa vie avant son enfance? Une enfance assez particulière, hein, qui a une importance dans le personnage qui va devenir. Il était fils de pasteur au sein d'une fratrie assez nombreuse, enfin avec surtout beaucoup de sœurs. Et très tôt, il s'est découvert une vocation d'amuseur. Il s'est mis à écrire déjà des textes, mais à diffusion uniquement familiale, au sein d'un magazine familial, comme l'ont fait d'ailleurs les sœurs et le frère Brontë. Il y a des ressemblances un peu. Voilà, hein, quand on est dans une époque sans radio, sans télévision, sans divertissement, il fallait bien trouver des moyens de s'occuper quand on était enfant. Il a aussi quand même une personnalité assez bizarre, hein, ce Charles Dodgson. Alors oui, c'est avant tout un professeur de mathématiques, c'est son vrai métier. Mais on pourrait dire qu'il a une double, voire une triple vie, puisque en dehors de son activité tout à fait sérieuse d'enseignant à Oxford, il a aussi cette passion de la photographie qui l'amène en fait... Alors on ne sait pas trop où est l'œuf, où est la poule. Est-ce que c'est parce qu'il aime la photographie qu'il photographie des enfants, ou est-ce que c'est parce qu'il aime être avec des enfants qu'il se met à la photographie? Les deux sont liés. Mais justement, la photographie est un moyen de... s'introduire dans les familles en disant j'ai le matériel, je peux faire des photographies de vos enfants. Alors là, évidemment, les parents sont ravis à une époque où c'est quand même encore quelque chose de très rare. Et comme ça, il a pu rencontrer les enfants, avoir les contacts qu'il cherchait à avoir. En tout bien, tout honneur, il n'y a jamais eu le moindre scandale, sauf quelquefois une mère ou autre qui s'est offusquée des relations purement amicales, semble-t-il, malgré tout, que Lewis Carroll pouvait avoir avec leurs enfants. Mais c'est un homme un peu qui vit dans sa bulle, quoi. Il n'est pas très à l'aise avec les adultes. Oui, voilà. Bon, il faut voir aussi qu'il y a toute une légende qui l'entoure. On dit qu'il était plus à l'aise avec les enfants, mais malgré tout, ça n'était pas non plus un reclus. Il a eu une vie sociale, il avait des amis adultes, il ne faut pas l'oublier. Il voyageait, il est allé jusqu'en Russie, il allait très souvent à Londres visiter les expositions, assister à des spectacles. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer que c'était un ermite, pas du tout. Et il est quoi? Il est homosexuel ou hétérosexuel? Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne le saura sans doute jamais, parce que d'une part, son journal intime a été en partie détruit. Il manque les volumes qui nous seraient les plus précieux, puisque ce sont ceux qui correspondent à l'époque où il a écrit Alice au Pays des Merveilles. Et... de toute façon, même si on les avait, il n'est pas certain qu'on en saurait davantage, parce que dans les volumes dont on dispose, il lui arrive régulièrement de se flageller, de s'accuser d'être un pécheur, mais il ne précise jamais de quelle nature est ce péché. Alors, étant fils de pasteur, on peut imaginer que la religion est quelque chose qui avait eu une extrême importance dans son enfance, et peut-être même ensuite toute sa vie, mais on ne sait jamais exactement ce qu'il avait à se reprocher, et je pense qu'on l'ignorera toujours. Laurent Burie, on part, si vous voulez bien, en barque avec Alice et on retrouvera la terre ferme dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Alice Liddell, la vraie Alice au Pays des Merveilles, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Sophie Haute-Picon. Magnifique. Et dire que je n'ai pas le droit d'aller dans le jardin. Miss Pluckett veut que je termine ma broderie d'abord. Sauf que naturellement demain il va pleuvoir, ainsi que toute la semaine puisque nous sommes en Angleterre. Mon Dieu, à quoi cela peut-il bien servir de savoir broder un apron? J'aimerais tellement être un garçon, comme Harry. L'an dernier il est parti au pensionnat et je suis sûre qu'il a une vie bien plus excitante que la nôtre. Père lui a même donné un poney. Moi, je n'ai que ma chatte, Dina, qui n'est même pas à moi, mais à Lorina. Heureusement, je joue avec elle tant que je veux, et je crois bien qu'elle me considère comme sa maîtresse. Voilà que Miss Pluckett me regarde de travers. Elle m'a dit tout à l'heure que si je ne terminais pas ma broderie, je devrais dîner toute seule dans la nurserie. Il n'y a qu'avec Monsieur Dodgson que je m'amuse, et avec Dina. Ça y est, je me suis piquée. Et en plus, je vais me faire disputer parce que j'ai perdu le dé à coudre que m'a offert maman. En 1862, Alice Liddell a 10 ans. Son père, Henry Liddell, est le doyen du prestigieux collège de Christchurch à Oxford. Les quatre enfants Liddell reçoivent l'éducation typique de la grande bourgeoisie victorienne. À l'époque, l'éducation des filles consiste essentiellement à en faire de bonnes maîtresses de maison et à les préparer au mariage. La jeune Alice, dont le caractère est déjà impétueux, s'ennuie ferme dans ce carcan conventionnel. Heureusement, l'arrivée de Charles Dodgson, un jeune professeur de mathématiques excentrique, est venue apporter une salutaire fantaisie dans sa vie de petite fille. Ce grand introverti, qui bégait, ne se sent à l'aise qu'en compagnie des enfants. Mais il a également une autre passion, la photographie, une technique nouvelle qui suscite un grand engouement. La mode du portrait familial se répand dans la bonne société anglaise et Madame Liddell ne résiste pas au plaisir de faire photographier ses enfants. Le 10 mai 1862, Alice et ses sœurs se rendent chez Charles Dodgson, accompagnées de leur gouvernante, Miss Prickett. Monsieur Dodgson, regardez, j'ai des nouvelles chaussures. Maman les a commandées chez le plus beau bottier de Londres. Oh, elles sont très jolies. Oui. Et savez-vous ce qui les rend si brillantes ? Non, je ne sais pas. Eh bien, moi non plus. Mais si vous viviez au fond de la mer, vous n'auriez pas besoin qu'elles brillent, puisque personne ne les verrait. Ah oui. Oh, le goûter est prêt. Pouvons-nous faire des tartines, monsieur Dodgson ? Naturellement, Lorina. Mmh. C'est pas. Oh ! À moins que vous ne vouliez essayer l'inverse. Comment cela ? Eh bien, je suis sûre que les biscottes adoreraient beurrer des petites filles. Mais alors cela ne s'appellerait plus beurrer, monsieur Dodgson, puisqu'il n'y aurait plus de beurre. Voilà qui est très bien observé, Alice. Pardonnez-moi, monsieur Dodgson, mais il vaudrait mieux qu'elles prennent leur goûter après la séance de pause. Elles risquent de salir leur robe. Rassurez-vous, Miss Prickett, je demanderai à la pellicule de ne pas imprimer les taches. Alice, on ne rit pas la bouche pleine. Et tenez-vous droite. Lorina, on prend du beurre ou de la confiture, mais pas les deux. Pourquoi, Miss Prickett ? Alice, je vous l'ai dit 1000 fois. Une petite fille ne demande pas pourquoi. Pourquoi ? Miss Prickett, pardonnez-moi cette petite récréation, mais rien n'est plus difficile à faire poser qu'un enfant qui a le ventre vide. Au fait, mes chers enfants, connaissez-vous le supplice de Tantale ? Non, monsieur. Votre père, qui est un grand helléniste, vous racontera ça mieux que moi. Mais en deux mots, Tantale fut condamné par Zeus à avoir faim et soif pour l'éternité. Quand il s'approchait d'un fruit, il se transformait en pierre. Et quand il s'approchait d'une source, elle disparaissait. C'est horrible ! Moi qui n'aime rien tant au monde que boire et manger, je crois que je mourrai. Alice, on ne dit pas des choses pareilles. Et qu'est-ce que tu aimerais manger pour l'éternité, Alice ? Je crois que je voudrais manger quelque chose qui ait le goût de tout à la fois. Un goût de tarte aux cerises, de flan, de caramel et de dinde. Alice, arrêtez de dire des absurdités. Eh bien, moi, je crois que c'est tout à fait possible. Pour de vrai, monsieur Dodgson ? Alice, on ne dit pas pour de vrai. Puisque s'il suffisait de le dire pour que ce soit vrai, alors il suffirait de dire l'inverse pour que ça soit faux. Qu'est-ce qu'on doit dire, alors ? On doit dire ce qu'on a envie de dire, sans se demander si c'est vrai ou faux. Bien. Et si nous prenions la pause ? Ah oui ! Venez par ici, à droite de la fenêtre. Voilà, Lorina. Nous allons tenter une petite composition. D'après ce que je vous ai raconté de Tantale, vous avez compris qu'il était très malheureux. Ça, c'est sûr. J'ai acheté ce matin ces cerises au marché. Lorina, tu vas faire semblant d'en donner à Alice. Et quand elle va faire mine de les prendre, tu vas reculer. Ah non ! D'accord. Et chacune de vous va changer de rôle. Car nous voulons que cela reste un jeu. Et non, une véritable torture, n'est-ce pas ? Monsieur Dodgson, je ne vois pas très bien l'intérêt éducatif de ce jeu. Chère Miss Prickett, j'ai conçu pour mes ravissantes modèles une petite composition autour du thème de la tentation. Je leur ai raconté l'histoire de Tantale pour la leur faire comprendre. Je doute fort qu'il s'agisse d'une composition appropriée pour des enfants de cet âge. Lorsque vous allez à la National Gallery à Londres et que vous admirez les pré-raphaélites, vous ne vous demandez pas si le sujet de leur tableau est approprié ou non, n'est-ce pas ? Lorina est en train de manger toutes les cerises. Ce n'est pas grave, j'en ai encore un panier entier. Quand ce sera fini, je vous raconterai l'histoire du pingouin qui n'avait pas de tête. Mais comment il faisait pour marcher alors ? J'ai dit qu'il n'avait pas de tête. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de pied. Ah ! Je pourrais venir dans la chambre noire après avec vous ? Si vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr de ressortir. Comment cela ? Alice, si vous rentrez dans la chambre où je développe les photos, il se peut que ce soit vous qui ressortiez et votre image qui reste sur la plaque, mais il se peut aussi que ce soit vous qui restiez sur la plaque et la petite fille de la photo qui sorte à votre place. Mais quand elle rentrerait à la maison, mes parents verraient la différence ? Absolument pas. Elle serait en 3 dimensions et vous n'en auriez plus que 2. Et qu'est-ce qui m'arriverait une fois que je serai dans la photo? Tu ne serais pas toute seule. Je serai avec toi. Ah. C'est exact. Mais je peux vous affirmer qu'il vous arriverait bien des choses que vous n'imaginez pas. Quoi? Eh bien, je vous le dirai quand j'aurai terminé de faire votre portrait. Concentrons-nous. Au fil de l'année 1862, l'amitié entre Charles Dodgson et les Liddell se resserre. À l'arrivée des beaux jours, ils n'hésitent pas à lui confier leur fille pour de longues promenades en barque au bord de la Tamise. C'est ainsi que le 4 juillet 1862, sous une chaleur étouffante, Charles Dodgson, Alice et sa sœur embarquent pour une promenade qui va entrer dans l'histoire de la littérature. Qu'est-ce qu'il fait chaud! Si seulement maman nous autorisait à porter une chemise et un jupon au lieu de toutes ces dentelles. Mais elle dit que ce ne serait pas convenable, que nous sommes trop grandes pour nous promener à moitié dévêtues avec un homme. Je n'ai pas compris tout de suite qu'elle parlait de Monsieur Dodgson. J'ai plutôt l'impression qu'il est un enfant comme nous, ou bien un des animaux fantastiques qu'il invente. Une girafe à lunettes qui serait habillée comme un professeur d'Oxford. Il est tellement amusant. Mais parfois, aussi, il a l'air vraiment très triste. C'est à ça qu'on voit qu'il est un adulte. Il n'a l'air vraiment heureux que quand il peut nous voir sans nos parents ou Miss Prickett. Avant lui, je détestais les promenades en bateau. Je trouvais ça tellement ennuyeux. Mais avec les histoires qu'il raconte, je pourrais naviguer pendant des jours et des jours avec lui, sans me lasser. Ça y est, j'ai fini de ramer pour aujourd'hui. La promenade est finie ? Pas du tout. C'est vous qui allez prendre ma place. Nous ? Ramer ? Les petites filles ne rament pas. Ce sont seulement les garçons. Eh bien, j'ai demandé à la barque ce qu'elle en pensait et elle dit que ce n'est écrit nulle part dans le code de la Tamise. Bon. Et que deux petites filles en pleine santé sont certainement plus vigoureuses qu'un vieux professeur de mathématiques. Alice, voulez-vous essayer ? Moi ? Mais je ne sais pas le faire. Papa n'a appris qu'à Harry. Mais si, allez, mettez-vous là. Voilà, et Lorina de l'autre côté. Très bien, je vais vous aider. 1, 2, 3. Allez. Allez. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Je suis déjà trempée de sueur. Moi, je vais tenir la barre. Tu ne vas pas me laisser ramer toute seule? Et si nous nous mettions un peu à l'ombre? Avec cette chaleur, j'ai bien peur que mes chères petites filles soient bientôt totalement transformées en eau. Déjà? Mais ce n'est pas encore l'heure de pique-niquer. Tu parles comme Miss Prickett. Lorina a raison. Nous sommes en avance. Savez-vous ce qu'il faut faire dans ce cas? Non. Il suffit de demander au temps de se dépêcher un peu. À ma montre, il est maintenant midi. Êtes-vous d'accord pour nous arrêter, chère Lorina? Ah oui, monsieur, je suis d'accord. Parfait. Alice, barrez à droite, s'il vous plaît, près des meules de foin. Il y a des arbres sur le côté. Voilà. Oh, comme ça fait du bien d'être à l'ombre. Je ferai bien une sieste. Ah non, tu ne peux pas, ça n'est pas l'heure. Eh bien, je vais la faire quand même. Oh. Eh bien, moi, je n'ai ni faim ni sommeil. Monsieur Dodgson, voulez-vous me raconter une histoire? Certainement, ma chère. Je voulais vous demander quelque chose. Parfois, il vous arrive de bégayer, mais quand vous nous racontez une histoire, ça ne vous arrive jamais. Pourquoi? Effectivement, c'est un mystère pour moi aussi. Il se trouve que dès que je m'adresse à des enfants, ce petit désagrément disparaît complètement. Voilà qui est très bizarre. Ma chère Alice, vous découvrirez que dans la vie, il y a plein de choses bizarres. Ou, pour être exact, il n'y a que des choses bizarres. Commençons à présent notre histoire. Une petite fille, appelons-la Alice, s'ennuyait ferme un après-midi d'été pendant que sa sœur faisait la sieste. Mais pourquoi elle s'appelle Alice et pas Lorina? Trop tard, tu n'avais qu'à ne pas dormir. Mais je ne dors plus. J'écoute. Alice, donc, était assise dans l'herbe lorsqu'un lapin blanc passa en courant tout près d'elle. Oh, c'est drôle, justement la semaine dernière, j'ai vu un lapin en me promenant avec maman. Chut, laisse-le raconter. Eh bien, je doute que vous ayez jamais vu un lapin comme celui qui passa près d'Alice ce jour-là. Il portait un gilet. Et Alice le vit tirer une montre de sa poche et murmurer, essoufflé, « Mon Dieu, comme je suis en retard ! Je suis en retard ! Je suis en retard !» Alice décida alors de se lancer à sa poursuite. Le lapin continua de courir, puis s'enfonça tout à coup dans un terrier géant. Alice, sans réfléchir, se jeta dans le terrier juste derrière lui. Elle sentit alors qu'elle tombait. Soit que le tunnel fût très profond, soit que sa chute fût très lente, mais elle eut tout le temps de se sentir descendre, de plus en plus profond. Devant un auditoire captivé, Charles Dodgson invente au fur et à mesure les aventures d'Alice sous la terre. La promenade en barque se poursuit. Tout au long de la journée, Charles propose de remettre la suite de l'histoire à une autre fois, mais les fillettes refusent catégoriquement. L'équipage rentre au coucher du soleil après que Charles a fait remonter Alice à la surface. Miss Prickett attend les petites filles à l'embarcadère, visiblement contrariée. Mais où étiez-vous donc passée ? Pardon, Miss Prickett, mais nous n'avons pas vu le temps passer. Monsieur Dodgson nous a raconté une histoire merveilleuse. Il est presque 8h30. Avez-vous mangé au moins ? Nous n'avons pas eu le temps de pique-niquer. Mais ce n'est pas grave, nous mangerons nos sandwichs ce soir. Lorina, ce n'est pas vous qui décidez. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, nous n'avons pas eu le temps ? C'est-à-dire que nous avons eu une petite dispute avec le temps. Alors, il a refusé de faire ce que je lui demandais. Nous sommes restés bloqués à l'heure du thé, comme le lièvre et le chapelier. Sauf qu'il n'y avait pas de thé. Heureusement, parce que nous n'avions pas de tasse, et à quoi aurait bien pu servir un thé sans tasse ? Un thé sans tasse, c'est comme un sourire de chat sans chat. Qu'est-ce que vous racontez ? Je ne comprends rien à ces bêtises. On dirait la reine quand elle dit « coupez-lui la tête ». Allons, il est temps de rentrer maintenant. Monsieur Dodgson, au revoir. Monsieur Dodgson ? Est-ce que vous pourriez mettre par écrit l'histoire que vous venez de raconter ? C'est-à-dire qu'elle était prodigieusement longue. Je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. S'il vous plaît ! Comme ça, nous l'aurions chez nous et nous pourrions la lire tant que nous voulons. Ah oui, c'est la meilleure que vous ayez jamais inventée. Voilà qui est flatteur. Mesdemoiselles, je vous promets de m'y mettre dès ce soir. Et mettez plein, plein de choses absurdes. Ce sont mes préférées. Alice, pour qu'il y ait des choses absurdes, il faudrait qu'il y ait des choses normales. En avez-vous vu dans cette histoire ? Non, pas vraiment. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce que je vous raconte est donc absolument vrai. Puisque ce n'est pas moi qui parle, mais une petite fille qui est entrée dans le terrier du lapin blanc. Et nous n'avons aucune raison de ne pas la croire, n'est-ce pas ? Alice, Lorina, on y va maintenant. Charles Dodgson se met à l'ouvrage. Il calligraphie l'histoire d'Alice soigneusement, puis entreprend de l'illustrer scène par scène en un principe qui annonce la bande dessinée. Pendant ce temps, à Oxford, les rumeurs vont bon train. On s'interroge sur ce personnage étrange qui ne fréquente aucune femme et passe son temps à photographier des enfants. Si la fantaisie et la marginalité de Dodgson plaisent au doyen, elle commence à déranger Madame Liddell, très soucieuse des convenances. Le 10 mars 1863, Charles Dodgson est invité chez les Liddell pour disputer une partie de croquet. Je ne connais rien de plus assommant que de jouer au croquet. Ce que je préfère, c'est dessiner. J'avais des cours d'aquarelle, mais maman veut qu'à la place j'apprenne le français cette année. Mon Dieu, comme cette langue est compliquée. Pourtant, elle est tellement jolie. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me contenter de l'écouter sans la comprendre. Monsieur Dodgson dit que j'ai raison. Il dit que le sens des mots n'est qu'une de leurs qualités et qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit la plus importante. J'ai demandé à maman si au moins nous pourrions aller à Paris l'été prochain, mais elle m'a dit que le Pays de Galles était tout aussi beau. À quoi bon apprendre une langue que je n'aurai jamais l'occasion de parler ? Mais à chaque fois que je pose une question, on me fait toujours la même réponse. Les petites filles ne doivent pas demander pourquoi. Ah, Dodgson, content de vous voir, cher ami. Et moi donc, monsieur le doyen. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai pratiquement terminé la rédaction des aventures d'Alice sous la terre. Ah ah. Et moi qui pensais que vous travailliez d'arrache-pied sur votre édition des éléments d'Euclide. Mes travaux universitaires ont pris un peu de retard, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause, celle d'Alice. C'est vrai, vous avez terminé ? Alors, le texte, oui. Il me reste encore un peu de travail sur les illustrations. Vous avez décidément tous les talents, Dodgson, sauf peut-être celui du croquet. C'est vrai, j'avoue que je ne suis pas un grand sportif. Si vous appelez le croquet du sport, c'est qu'effectivement, vous n'y connaissez pas grand-chose. En effet. Pendant mon enfance, nous étions si pauvres que nous devions inventer nos propres jeux, ce qui fait que je ne connais pas bien ceux qui ont été créés par d'autres. Henri ! Excusez-moi. Je peux vous montrer si vous voulez. Volontiers, Alice. Venez. Tout le monde a l'air de trouver le croquet follement amusant, mais moi, ça m'ennuie à mourir. Alice, les adultes font toujours semblant de s'amuser follement, parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe la tête. Mmh. Tu te souviens ? Oh oui. On ne peut pas s'amuser quand les règles sont écrites à l'avance. Jouer au croquet serait beaucoup plus drôle si les arceaux changeaient de place sans arrêt, par exemple. Et si les boules et les maillets disparaissaient, qu'on soit obligé de les chercher ? C'est vrai. Mais alors ce serait très difficile de jouer, ne croyez-vous pas ? À ton avis, l'important c'est de jouer ou de s'amuser ? Je ne sais pas. Oh, ça me donne une idée. Quand Alice joue au croquet avec la reine, les maillets pourraient être des flamants roses. Oui, et les boules des hérissons. Si bien que tout le monde aurait le plus grand mal à disputer la partie. Oh, ce serait tellement drôle. Mais vous pouvez rajouter ça ? Bien sûr. Je dirais que c'est Alice elle-même qui me l'a raconté. Monsieur Dodgson, pourrais-je m'entretenir une minute avec vous ? Avec grand plaisir, chère madame. Je vous remercie. Alice, va rejoindre tes sœurs pour le thé. Oui, maman. Monsieur Dodgson, Alice m'a dit que la semaine dernière, vous l'avez photographiée en mendiante. Est-ce exact ? Oui, tout à fait. Et pourquoi ce déguisement ? Je voulais étudier la gravité, la beauté d'une enfant du peuple. Alice a gentiment accepté de lui prêter ses traits. Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé à une enfant des rues de poser ? Parce que les filles du peuple, pardonnez-moi, ont les traits bien plus grossiers, notamment les chevilles. Les chevilles des jeunes filles de la haute société sont certainement ce que l'Angleterre a accompli de plus parfait. Bon, Monsieur Dodgson, Alice vous aime beaucoup, vous le savez, mais je ne suis pas certaine que vous lui teniez des propos adaptés à son âge. Alors, Madame Lidl, un mot de vous, et je n'approche plus d'Alice. Je ne suis qu'un amuseur, et l'idée de lui causer du tort me fait horreur. Nous n'en sommes pas là, je voulais simplement vous faire part de mes préoccupations, et voilà tout. Restez-vous à dîner, hein ? La duchesse d'Albany nous fait l'honneur de venir ce soir. À Noël 1864, Charles Dodgson offre à Alice un livre avec une couverture en cuir vert élégamment calligraphiée, intitulé « Les aventures d'Alice sous la terre ». Peu après, il fait lire le manuscrit à George MacDonald, un ami d'Oxford, qui est stupéfait de l'originalité du texte. À l'époque, les livres pour enfants doivent nécessairement instruire le jeune lecteur. Or, l'histoire contenue dans le cahier vert ne contient aucune morale et se veut délibérément absurde. Autre nouveauté, l'héroïne intrépide n'est pas un garçon, mais une petite fille. Alors que traditionnellement les héroïnes de la littérature enfantine finissent par se marier et avoir beaucoup d'enfants, Alice ne découvre pas le bonheur conjugal, mais apprend l'art de composer avec le monde. Or, aux yeux de l'austère morale victorienne, l'expérience pour une jeune fille est synonyme de mauvaise vie. Ce qui n'empêche pas Alice Lidl d'être enchantée de son cadeau. Malgré la désapprobation de Miss Prickett, elle passe son temps à lire à sa sœur les aventures d'Alice. Reprends au début du chapitre 2, Alice. Alice vit une toute petite boîte sous la table. Elle l'ouvrit et trouva un biscuit sur lequel était écrit « Mange-moi ». Elle en grignota un petit morceau. « De mieux en mieux » s'écria-t-elle. « Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope du monde. Adieu, petit pied !» Car quand elle regardait ses pieds, ils lui paraissaient presque invisibles, tant ils étaient loin. « Pourquoi invisibles ?»« Parce que ses jambes s'allongent et elle ne les voit plus. » Alice, je vous rappelle qu'on ne doit pas prononcer le mot « jambe ». Et qu'est-ce qu'on doit dire alors, Miss Prickett ? On n'en parle pas, c'est tout. De même pour le mot « pied ». Il est vulgaire pour une jeune fille de le prononcer, sauf quand il s'agit des pieds de la table ou de ceux du piano. Mais je ne vois pas bien comment on peut appeler des pieds autrement. N'avez-vous donc rien d'autre à lire que des sottises ? Vous êtes grandes à présent toutes les deux. il y a des livres bien plus éducatifs. Sans compter votre catéchisme. Mais de quelle partie du corps a-t-on le droit de parler, Miss Brickett ? De manière générale, il convient d'éviter de parler de toutes les parties du corps. Sauf si le mot est employé dans un autre contexte. Ainsi, gorge peut se dire en parlant d'un paysage de montagne, par exemple. Et si on est à table et qu'on veut demander une cuisse de poulet ? Eh bien, mieux vaut ne rien dire et désigner le morceau que vous souhaitez. Encore plongée dans les aventures d'Alice. Ne pouvez-vous pas lire autre chose ? C'est ce que je leur ai suggéré, madame. Bien sûr, ce conte est très amusant, mais à vrai dire, je n'ai pas très bien compris où Dodgson voulait en venir. Maman, toutes les directions se valent du moment qu'on ne va nulle part, dit le chat. Alice, stop this nonsense, will you ? Un mois plus tard, poussé par son ami George MacDonald, Charles Dodgson se décide à envoyer le manuscrit à un éditeur. Celui-ci accepte de le publier et confie les gravures à John Tanyel, un artiste célèbre de l'époque. En juin 1865, presque 2 ans après la promenade en barque, paraît Alice au Pays des Merveilles. À la grande surprise de Charles, le succès est immédiat. Les critiques sont dithyrambiques et les ventes partent en flèche. La presse salue le livre pour enfants le plus drôle et original des 100 dernières années. Alice est ravie du succès de l'histoire qu'elle a inspirée. Mais en septembre 1865, Charles Dodgson est convoqué par Madame Liddell. Comment allez-vous aujourd'hui, chère demoiselle ? Toutes mes amies ont lu Alice. Elles disent qu'on me reconnaît très bien dans le livre. Et ont-elles reconnu le dodo ? Non. Mais moi, j'ai bien compris que c'était vous. Et à quoi l'as-tu compris ? À son nom, déjà. Quand vous bégayez, vous dites « Je m'appelle Charles Dodo Dodgson ». Bravo Alice. Et as-tu reconnu la reine ? Papa dit que c'est la reine Victoria, mais moi elle me fait plutôt penser à Miss Brickett. Vous avez tous les deux raison. La reine et tous ceux ou celles qui veulent nous couper la tête. Je voulais vous poser une question, monsieur. Je t'écoute. Ce qui m'embête, c'est que parfois je trouve qu'Alice n'est pas très gentille, par exemple avec la souris. Et je me disais, est-ce que moi aussi je suis comme ça ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que parfois, ça m'arrive de ne pas être gentille. Mais les autres non plus ne sont pas toujours gentils avec moi. Tu penses au passage où Alice parle de son chat à la souris sans s'apercevoir que ça la met en colère, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien moi, je ne pense pas qu'Alice ne soit pas gentille. Je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce que c'est d'être une souris. Et que c'est comme ça que la plupart du temps nous blessons les gens. Vous croyez ? Bien sûr. Par exemple, quand tu te moques de Miss Brickett, tu ne penses pas un seul instant que tu lui fais du mal, n'est-ce pas ? Miss Brickett ? Mais elle passe son temps à me gronder. Mais t'es-tu jamais demandé ce que ça faisait ? D'être la gouvernante de petite fille dans une famille riche, de s'occuper d'elle toute la journée ? Mmh. Et le soir de manger à l'office avec les domestiques ? Mmh. Ce n'est pas très drôle pour elle, tu sais. Non, c'est vrai. Je ne me suis jamais demandé ce que ça faisait d'être à sa place. C'est normal. Et c'est ce qui fait qu'Alice vexe la souris. Elle ne peut pas imaginer ce que ça fait d'avoir peur des chats. Madame Liddell, mes hommages. Monsieur Dodgson, venez avec moi dans le petit salon. Nous serons plus tranquilles. Oui, bien sûr. À tout à l'heure, Alice. Suivez-moi, je vous prie. Monsieur Dodgson, je vais être direct avec vous. Avez-vous des vues sur quelqu'un dans cette maison ? Des vues ? J'ai peur de ne pas comprendre. Avez-vous l'intention de demander en mariage, Miss Brickett ? De demander ? Pardon, il doit s'agir d'un malentendu. Je vous garantis que rien ne pourrait être aussi éloigné de moi que cette idée. Dans ce cas, comment expliquez-vous votre présence constante chez nous ? J'ai appris que pendant que mon mari et moi étions à la campagne le mois dernier, vous êtes venu ici tous les jours ? Comme vous le savez, j'ai une profonde affection pour Lorina et Alice. Comme elles semblaient prendre plaisir à mes visites quotidiennes, je n'ai pas cru bon de les interrompre. Auriez-vous par hasard l'étrange idée de demander la main de Lorina ? De Lorina ? Non, je vous jure que non. Car si c'est le cas, je regrette de vous dire que, malgré toute l'estime que vous porte mon mari, nous pensons que vous ne seriez pas un parti convenable pour notre fille. Madame Liddell, n'ayez crainte. J'ai bien conscience qu'un pauvre fils de pasteur ne saurait prétendre à épouser ni l'une ni l'autre de vos merveilleuses filles. Ni l'une ni l'autre ? Savez-vous quel âge a Alice ? Si je ne me trompe pas, elle vient de fêter son 13e anniversaire. Précisément. Vos manières affectueuses avec elle deviennent embarrassantes à mesure qu'elle grandit. Miss Brickett m'a rapporté que vous la preniez sur vos genoux. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois. il y a bien longtemps. Je vous assure que ma conduite avec elle est irréprochable. Je n'en suis pas si sûre. L'autre soir, au dîner, nous parlions du mariage du prince de Galles avec la princesse de Danemark. Son père lui a demandé « Alice, aimeriez-vous épouser un prince ?» Elle a répondu « Non, je veux me marier avec Monsieur Dodgson !» Je ne sais quelle fantaisie l'a prise. Je vous assure que ce n'est pas moi qui lui ai mis ça dans la tête. Mais pardonnez-moi, Madame Liddle. Il me semble que quand le doyen vous faisait la cour, vous aviez 17 ans et lui 32. Cela suffit, Monsieur Dodgson. Mon devoir est de me soucier non seulement de ce que font mes filles, mais aussi et surtout de leur réputation. Pour leur bien, je vous demande de ne plus les revoir. Bien, madame. Je ferai comme il vous plaira. Au revoir, Monsieur Dodgson. Je vais demander à ce qu'on vous raccompagne. Non, ne vous dérangez pas, chère madame. Je connais la maison. Monsieur Dodgson, vous en faites une tête? Que vous a dit maman? Rien. Rien d'important. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand je me tiens devant le grand miroir du salon, comme ça, et que je tiens une orange dans la main droite, comment se fait-il que je vois l'orange dans ma main gauche? C'est un phénomène qui s'appelle la réfraction. Je t'expliquerai ça une autre fois. Ça veut dire que si je rentrais dans le miroir, l'orange passerait toute seule dans ma main gauche? Si tu rentrais dans le miroir? Oui. Mais quelle idée merveilleuse tu viens d'avoir, Alice. Hein? Écoute-moi bien. J'ai écrit Alice au Pays des Merveilles pour toi. Pour toutes les questions que tu te poses et que des générations d'enfants continueront à se poser. Garde toujours ce livre près de toi pour te rappeler la petite fille que tu étais et notre amitié. Pourquoi dites-vous ça? Bien sûr que je ne vous oublierai pas. Bientôt tu vas grandir et te marier et ton enfance sera derrière toi. Mais si, grâce à ce livre, tu peux conserver un peu d'elle en toi, alors j'aurai réussi. Et vous, Monsieur Dodgson, vous allez vous marier? Non, je ne crois pas, Alice. Mais si vous vivez tout seul, vous allez être triste. Alice, je suis différent. Tu es trop jeune pour comprendre ce que ça veut dire. Moi aussi, je me sens différente. Je ne suis pas du tout comme mes amis Edith ou Mabel. Je n'ai pas envie de me marier, ni d'avoir des enfants. Mais je n'ai pas non plus envie de devenir comme Miss Prickett. Tu ne deviendras pas comme elle, je te rassure. Adieu, Alice. La rupture entre Charles Dodgson et les Liddle laisse un grand vide dans la vie d'Alice. Charles, affligé lui aussi, trouve néanmoins une consolation dans le succès prodigieux du livre qui le consacre comme un des écrivains majeurs de son temps. 2 ans plus tard, il se lance dans la suite des aventures d'Alice. De l'autre côté du miroir, paraît en 1870. La même année, Madame Liddle reprend contact avec lui pour lui demander de réaliser un portrait d'Alice et de sa sœur. Alice est alors âgée de 18 ans. La séance a lieu, mais la grâce de l'enfance est à jamais évanouie. De cette séance, il nous reste la photographie d'une jeune fille digne et maussade, probablement soucieuse de son avenir. Alice Liddle et Charles Dodgson ne se reverront jamais. En 1880, Alice épouse un propriétaire terrien, Reginald Hargraves, avec qui elle a 3 enfants. Retirée dans un cottage à la campagne, elle mène une vie domestique conforme aux usages de son temps. Un matin de mars 1885, une lettre lui parvient au courrier. Chère Alice, j'imagine que vous aurez l'impression de recevoir la lettre d'un mort après tant d'années de silence, et pourtant le temps n'a rien changé au souvenir lumineux que j'ai de vous. Charles Dodgson, que peut-il bien avoir à me dire après toutes ces années? Il me demande si je consens à lui envoyer le premier manuscrit d'Alice pour le faire publier. Pourquoi es-tu déçue, Alice? Qu'espérais-tu au fond de toi? Une déclaration? Il te l'a déjà faite, et de la plus belle des manières. Il t'a rendue immortelle en souvenir d'une histoire d'amour impossible. À l'époque, je ne l'avais pas compris, j'étais tellement jeune. Si seulement j'avais su ce que la vie me réservait. Si j'avais attendu l'âge de 20 ans et que j'avais épousé Charles, aurais-je été plus heureuse? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, ma famille ne l'aurait jamais voulu. Aujourd'hui, ma vie avec Reginald a toutes les apparences de la respectabilité. Mais qu'est-ce que je donnerais pour être à nouveau dans une barque sur la Tamise, un après-midi d'été, et m'imaginer suivre le lapin blanc dans son terrier? Le cahier vert est toujours sur mon étagère. Je ne m'en séparerai qu'à ma mort. Parfois, je me dis que si j'ai pu donner naissance à Alice et inspirer à des millions de petites filles l'envie d'envoyer promener les convenances, alors mon existence aura peut-être été utile à quelque chose. Alice Liddell, la vraie Alice au pays des merveilles, de Marjorie Philibert, avec Charles Dodgson, Gaspard Liberel, Alice Liddell, Flore Babled, Lorina Liddell, Maya Guérit, Miss Prickett, Hortense Mont-Saint-Jean, Mrs. Liddell, Pauline Uruguin, Mr. Liddell, Xavier de Guibon, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Villenfin et Kevin Delcourt, assistante à la réalisation Aurélie Miermont, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, je poursuis la discussion sur Alice Liddell et Lewis Carroll avec mon invité Laurent Bury. Dans le jardin de mon je me souviens. Jardin par Pomme sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Raphaël Rousseau. Laurent Bury, je viens donc de raconter l'histoire de la création d'Alice au Pays des Merveilles à travers le regard de la petite fille Alice Liddell. Est-ce qu'on peut dire que c'est à Alice Liddell que l'on doit l'écriture d'Alice au Pays des Merveilles et puis donc plus tard à De l'autre côté du miroir? Est-ce que Alice a fait de Charles Dodgson un écrivain, Lewis Carroll, d'une certaine manière? Puisqu'elle dit, est-ce que vous pouvez écrire cette histoire que vous m'avez racontée? Oui, c'est vrai que c'est elle qui a demandé à Dodgson de mettre ça noir sur blanc. D'un autre côté, il ne faut pas non plus peut-être exagérer le rôle d'Alice, même son rôle dans la vie de Lewis Carroll en général, parce qu'il a connu beaucoup d'autres petites filles. Oui. À la limite, Alice Liddell n'est qu'une parmi tant d'autres. Il en a connu d'autres avant et d'autres après. Oui. Surtout après, il en a connu beaucoup. Il a eu des relations tout à fait suivies, durables, intimes au sens correct du terme, qui ont été tout à fait importantes aussi dans sa vie. Il en a photographié beaucoup d'autres, il en a dessiné d'autres. Donc, certes, Alice a le même prénom que l'héroïne de son livre, qui reste emblématique, bien sûr, mais ça n'est peut-être qu'une coïncidence, en un sens. Après, les détails du livre ne viennent pas forcément d'Alice du tout. Je pense qu'ils viennent surtout de l'imagination de Lewis Carroll lui-même. Et surtout, le deuxième volume de L'autre côté du miroir a été écrit bien après la rupture, comme le disait la fiction qu'on vient d'entendre. Et donc, le rôle qu'a pu jouer Alice à ce moment-là est beaucoup moindre. Disons, sur la première des deux aventures d'Alice, on peut imaginer qu'il y a des liens tout à fait directs. Sur la deuxième, là, en revanche, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Laurent Bury, de voir la première version du livre Les Aventures d'Alice sous terre, la version qu'il a offerte à Alice à Noël 1864? Je ne la connais qu'en facsimilé, parce qu'elle a été reproduite, évidemment. Oui, elle appartient maintenant à la British Library, elle est à Londres. Oui. Elle est quelquefois exposée quand il y a des célébrations caroliennes. Oui. Oui. Alors, c'est un document très intéressant, surtout parce qu'on y voit justement les illustrations de Dodgson lui-même. C'est fou qu'il était vraiment doué, cet homme. Alors, il était doué, mais quand même, lorsqu'il a cherché un éditeur, l'éditeur lui a dit tout de suite, les illustrations, ça va pas être possible, il faut prendre un professionnel. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où on voit justement que Alice Liddell a le même prénom, mais elle ne ressemble pas du tout. Les illustrations que Lewis Carroll lui-même a conçues ne prétendent pas montrer une héroïne qui ressemblerait à Alice Liddell. Elle a des cheveux longs alors qu'Alice Liddell avait les cheveux courts. C'est un détail, mais disons, à aucun moment, Lewis Carroll lui-même ne cherche à créer une ressemblance de la petite fille qu'il connaissait. Est-ce qu'à part Alice, les personnages du livre sont inspirés de personnes réelles? Alors oui, il y a des personnages qu'on retrouve dans l'histoire. Il y a les sœurs d'Alice, en tout elles étaient trois en réalité. Oui, il y a Edith aussi. Alors elles ont chacune un assez petit rôle dans le livre, elles sont mentionnées comme ça. Est-ce que Miss Prickett, c'est la reine qui tranche les têtes? Ça pourrait être la mère d'Alice, reine. Oui. Bon, on n'en sait rien. Non, voilà, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il y a eu des ouvrages entiers écrits pour essayer de trouver une correspondance, comme si c'était un roman à clé. Oui, alors le dodo, bien sûr, tout le monde le dit. Oui. Après, de toute façon, ça ne nous dit plus rien de nos jours. Si c'était à cela que le succès du livre avait tenu... À quoi il tient justement ce succès, alors, en 1865? À sa différence, au fait, comme on l'a dit dans la fiction, qu'il n'y a pas de morale, que c'est un ouvrage qui ne prétend rien apprendre aux enfants, il n'y a pas de leçons. Alice est une petite fille au début, elle reste une petite fille à la fin. Il n'est pas sûr qu'elle ait vraiment été transformée par ses expériences, par ses aventures qu'elle a vécues. Ouais. Mais c'est peut-être une leçon de liberté quand même aussi, de curiosité aussi, d'aller vers le monde, de le découvrir dans sa complexité. Tout à fait, c'est une aventure et effectivement, les petites filles n'étaient pas incitées à vivre des aventures, évidemment. Et c'est vrai qu'à la fin de chacune des deux histoires, il y a une sorte de révolution. Alice se rebelle, elle envoie promener tous les personnages qui sont autour d'elle. Voilà, et c'est la révolution, vraiment. Dans le premier volume, c'est un procès et elle renverse tous les personnages volent en l'air et elle se réveille en même temps de ce qui était un rêve. Et dans le deuxième volume, c'est la même chose. Elle aussi, il y a un grand banquet, elle tire la nappe et elle fait voler tout ce qui est sur la table, les assiettes, mais aussi la nourriture qui parle. Parce que dans ce festin final de l'autre côté du miroir, tout parle, les assiettes, les verres, la nourriture aussi, les poudines, les rôtis. Est-ce que ce personnage aussi d'Alice, c'est pas un peu Charles Dodgson lui-même ? Tel qu'il aimerait être dans la vie, quoi. Tel qu'il aimerait être, pas forcément tel qu'il était, parce qu'il n'était pas un rebelle. Non, mais justement. Vraiment. Il a eu quand même des démêlés avec l'administration Oldsford, avec Liddell père aussi, quelquefois. Il était un peu, pas procédurier, mais disons, il aimait bien défendre son point de vue. Il a eu maille à partir, quelquefois, justement, avec les supérieurs hiérarchiques à l'université d'Oxford. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il va changer de vie et il va quitter son poste de professeur ? Non, il ne change pas vraiment de vie. Il garde son poste. Enfin, après, il le quittera un moment, peut-être un peu plus tôt qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait pas eu les revenus financiers que lui ont assuré les livres. Mais non, sa vie n'a pas vraiment été transformée. Simplement, peut-être ça lui a permis de rencontrer encore plus d'enfants. Ouais. À cause du succès du livre, il y a peut-être eu davantage de gens qui sont venus au-devant de lui. Ça lui a peut-être ouvert des portes, ça, très probablement. Mais à part ça, sa vie, je pense, globalement, n'a pas été transformée. Et personne ne s'inquiétait de cette relation privilégiée qu'il pouvait avoir avec des petites filles, à part Mrs. Liddell, qu'on a entendu. Alors, ça, c'est une vraie question. Et c'est un peu un problème de point de vue qui s'est radicalement transformé entre le 19e siècle et notre époque. À l'époque, on considérait que les enfants, il n'y avait pas de sexualité enfantine. On est dans une époque pré-freudienne. Non, mais il peut y en avoir chez les adultes qui... Oui, mais c'était inconcevable. Surtout, un professeur ne pouvait pas avoir des mauvaises pensées et des mauvais actes. Oui, d'une part, et les enfants non plus, et donc il ne pouvait rien se passer. C'était beaucoup plus suspect quand il se promenait avec des jeunes filles de 18 ans, ce qui lui arrivait aussi, surtout après. Là, c'était beaucoup plus dangereux pour la moralité, pour la réputation des jeunes filles. Alors, Charles Dodgson meurt en 1898, à l'âge de 65 ans, et Alice Liddell, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle mène une vie de femme de la bonne société britannique, d'abord avec une certaine fortune, une certaine aisance, mais après la Première Guerre mondiale qui a beaucoup appauvri toute la gentry, l'aristocratie et britannique, là, son niveau de vie est tout à coup bien réduit et c'est sans doute pour ça qu'elle a été ravie lorsqu'on est venu la contacter pour le centenaire de la naissance de Dodgson. Jusque-là, elle avait un peu pris ses distances. Évidemment, à 18 ans, on n'a pas envie qu'on vous rappelle ce que vous étiez 10 ans. Donc, c'était une époque où elle ne voulait peut-être plus en entendre parler. Mais dans les années 30, quand on est venu la chercher pour le centenaire, là, elle est devenue la vedette. Je vous propose justement d'écouter sa voix, enregistrée très brièvement en 1932, au moment où elle débarque à New York, à l'occasion donc du centenaire de Lewis Carroll, pour recevoir un diplôme honorifique à l'Université Columbia. It is a great honor and a great pleasure to have come over here. And I think now my adventures overseas will be almost as interesting as my adventures underground were. C'est un grand honneur et un grand plaisir de venir jusqu'ici et je crois que maintenant mes aventures par-delà les mers vont être au moins aussi intéressantes que mes aventures sous la terre. Donc c'est une allusion bien sûr au premier titre du livre « Les aventures d'Alice sous la terre ». Alice Liddell interviewée donc en 1932, elle a 80 ans et elle va mourir 2 ans plus tard en 1934. Alice, au pays des merveilles. Oui. Alors évidemment on dit c'est la vraie Alice, mais... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas si sûr. Mais c'est quand même une histoire qui s'est passée. Enfin, il y a eu quand même cette promenade en barque qui a été décisive. Tout à fait. Et même en 1932, il y avait encore beaucoup d'autres personnes devenues adultes qui avaient connu Lewis Carroll quand elles étaient enfants. Donc, on aurait pu en interviewer d'autres. Évidemment, elle ne s'appelait pas Alice, mais il y avait encore beaucoup de gens, et il y en a eu, qui ont témoigné à l'époque, qui ont laissé des souvenirs de ce qu'elles avaient connu avec lui. Merci beaucoup Laurent Bury. Je conseille bien sûr la lecture ou la relecture d'Alice au Pays des Merveilles dans votre traduction disponible au livre de poche, mais aussi évidemment à découvrir les autres œuvres de Lewis Carroll disponibles dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et à lire également la biographie Lewis Carroll, une vie, une légende, écrite par Morten Cohen et traduite par vous Laurent Bury aux éditions Autrement. <t'-> C'est la fin pour aujourd'hui de Temps n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, changement complet d'ambiance. Nous partirons en 1922 à Tulle, en Corrèze. Depuis 5 ans, les habitants de Tulle sont victimes d'une vague de lettres anonymes calomnieuses. Dans ce climat de suspicion où tout le monde se méfie de tout le monde, un juge est chargé de l'affaire, François Richard, qui pour tenter d'identifier le coupable, n'hésitera pas à faire appel à un médium. L'affaire du corbeau de Tulle, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.